déjà la bohémienne et les astres clairs annonçaient ton approche. Oh, mon unique envie, ce sera ton grand amour, disaient les airs, et tu surgis des flots aux merveilles ravies. Des cœurs enlacés qui palpitent unis, des consciences blessées qui recouvrent les mondes infinis. À chaque seconde d'une feuille qui naît, chaque jour, une branche au ciel s'étend de l'arbre que nous plantâmes. Oh, mon âme, après le grand brasier qui consuma une lointaine, je te dévoile mes secrets les plus obscurs et tu me comprends ainsi que Dieu lui-même. Que je ne me saisis en mes détours. Ainsi tu partages le cœur même de Marie, ô mon poème. Et je me lève à l'aube au ciel vermeil pour adorer ta peau de nâtre, ô mon désir. Et quand je reviens, ton éclat me réveille. De tes formes dorées, je sens le doux plaisir.